allongés dans un pré en automne. Je laisse ma vie défiler. Aujourd'hui, plus rien ne m'étonne. Le soir tombe et il fait un peu frais. C'est beau, la campagne en automne. Ça me rappelle un peu l'enfance. C'est calme et un peu monotone. Et bientôt, il fera silence. Le sol sous ma nuque s'endort. Et ça sent bon le soir qui tombe. Je la joue poétique à mort. Je me marre, je suis seul au monde. Je me dis qu'on est trop futile. Plein de vides et de faux problèmes. Accaparés par l'inutile. De bonnes vies de con. Je n'ai pas de regrets. Je pense à tout et à rien. À tout ce que je n'ai pas fait. Que j'ai remis au lendemain. Se dire qu'elle est bête, ça ne sert à rien de s'inquiéter. Le sol sous ma nuque s'endort et ça sent bon le soir qui tombe. Je la joue romantique à mort. Je me marre, je suis seul au monde. Je me dis qu'on est trop futile, qu'on ne dit pas assez je t'aime, accaparé par l'inutile. De bonne vie de con. Voiture. Dans le fossé brûle